J'ai sorti un extrait d'un topo que j'ai écouté de Radio-Canada. Oui. À la fin, là, j'ai éclaté de rire. Non, mais les conservateurs se font tirer des roches partout dans le Canada anglais et même au Québec parce qu'ils refusent de rencontrer Theresa Spence, la chef autochtone qui fait une grève de la faim depuis le 10 décembre. Elle n'est pas morte, là. Depuis le 10 décembre. Non, elle a même pris une coupe de livre. Écoute, là, c'est même les athlètes olympiques t'offrent pas aussi longtemps. Je te dirais que je la mettrais en liste pour des compétitions internationales. Elle est en forme, pas pour rire. Depuis le 10 décembre, qu'elle fait la grève de la faim. Et il y a plusieurs qui rient de ça, que c'est une diète, que c'est une cure d'amaigrissement. Mais Radio-Canada, eux, ils voient pas ça comme ça. Écoutez l'extrait d'un topo du journaliste sérieux fait vendredi passé. Theresa Spence réclame toujours une rencontre avec le premier ministre Stephen Harper et le gouverneur général David Johnston, quitte à mourir de faim. Olivier Bachon. Theresa Spence a entamé sa diète liquide le 11 décembre dernier. Même si elle dit être de plus en plus faible, elle est tout de même déterminée à poursuivre son combat. Pendant ce temps, Theresa Spence tient bon et affirme même être prête à mourir pour son peuple. I'll be there in spirit and there's other leaders that'll be there for them. Et si jamais elle décède, elle dit que son esprit continuera à accompagner les siens. Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Ah, c'est donc bien bon. Il prend ça au sérieux, lui-là, hey! Le journaliste. Elle engouffre plus de calories que d'un Big Mac par jour, puis elle essaie de faire croire au monde qu'elle va mourir de faim, puis Radio-Canada fait la promotion de ça. Il est payé par nos taxes, puis il achète ça, lui, ce pitch-là. Là. Ça n'a pas de sens. Moi, quand j'ai entendu ça, là, je t'ai dit, je suis parti à rire. Je pensais que c'était le bye-bye qui continuait. Écoute, non, mais elle commence en disant qu'elle a toujours pas eu sa rencontre avec Stephen Harper, alors que ça fait que tout ça a été entendu. Tout le monde sait que Stephen Harper a dit « OK, je vais vous rencontrer », mais que c'est elle qui a décidé de pas la rencontrer. Ça n'a pas de bon sens. Puis l'histoire de mourir, puis de l'esprit, puis tout ça, écoute, c'est à se rouler par terre, là. Ça n'a pas de bon sens. La fille, ça va faire 2 mois qu'elle est en grève de la faim, puis elle prend du poids. Come on! C'est des médias, c'est des gens qui nous reprochent de faire de la radio d'opinion qui va pas dans le sens, puis qui donnent des grandes leçons de journalisme, mais eux autres font passer leurs opinions dans leurs reportages, puis ils font ça en mode hypocrite. Moi, c'est ça qui m'énerve de Radio-Canada. C'est les grandes leçons, les grands morales. Mais tu regardes leurs affaires, puis ils sont tout le temps beurrés du même bord, puis ça en devient ridicule. Mais quand ils sont revenus après ce reportage-là, là, il devait avoir un lecteur de nouvelles. Il a dû partir à rire. Il devait se rouler sur sa table. Malheureusement, non. J'étais apparemment le seul à trouver ça hilarant. Ça n'a pas de bon sens. Je te dirais